Rome, chapitre 8. Les matins qu'il restait au palais Boccanera, sans sortir, Pierre avait pris l'habitude de passer des heures dans les trois jardins abandonnés que terminait autrefois une sorte de loggia à portique d'où l'on descendait au Tibre par un double escalier. Aujourd'hui, c'était là un coin de solitude délicieuse qui sentait bon les oranges aigres, des orangers centenaires dont les lignes symétriques indiquaient seules le dessin primitif des allées disparues sous les herbes folles. Et il y retrouvait aussi l'odeur des buis amers, de grands buis poussés dans l'ancien bassin central que des éboulis de terre avaient comblé. Par ces matinées d'octobre, si lumineuses, d'un charme si tendre et si pénétrant, on y goûtait une infinie douceur de vivre. Mais le prêtre y apportait sa rêverie du Nord, le souci de la souffrance, son âme de continuelle fraternité apitoyée, qui lui rendait plus douce la caresse du clair soleil, dans cet air de voluptueux amour. Il allait s'asseoir contre la muraille de droite, sur un fragment de colonne renversée, à l'ombre d'un laurier énorme, dont l'ombre était noire, d'une fraîcheur balsamique. Et à côté de lui, dans l'antique sarcophage verdi, où des faunes lascifs violentaient les femmes, le mince filet d'eau qui tombait du masque tragique scellé au mur mettait la continuelle musique de sa note de cristal. Il lisait les journaux, ses lettres, toute une correspondance du bon abbé Rose qui le tenait au courant de son œuvre, les misérables du Paris sombre, déjà glacés par les brouillards, noyés sous la boue. Ah, ces misères du pays froid, les mères et les petits qui allaient bientôt grelotter au fond des mansardes mal closes, les hommes que les grandes gelées jetteraient au chômage. Toute cette agonie sous la neige du pauvre monde, tombant dans ce chaud soleil, parfumé d'un goût de fruits, dans ce pays de ciel bleu et d'heureuse paresse, où l'hiver même il faisait bon dormir dehors, à l'abri du vent, sur les dalles tièdes. Mais un matin, Pierre trouva Benedetta assise sur le fragment de colonne qui servait de banc. Elle eut un léger cri de surprise, elle resta un instant gênée, car elle tenait justement à la main le livre du prêtre, cette Rome nouvelle qu'elle avait lue une première fois sans bien la comprendre. Et elle se hâta ensuite de le retenir, voulut qu'il prît place à côté d'elle, en lui avouant avec sa belle franchise, son air de tranquille raison, qu'elle était descendue là pour être seule et s'appliquer à sa lecture, ainsi qu'une écolière ignorante. Ils causèrent en amis. Ce fut pour Pierre une heure adorable. Bien qu'elle évitât de parler d'elle, il sentit parfaitement que ses chagrins seuls la rapprochaient de lui, comme si la souffrance lui eût élargi le cœur jusqu'à la faire se préoccuper de tous ceux qui souffraient en ce monde. Jamais encore elle n'avait songé à ces choses, dans son orgueil patricien qui regardait la hiérarchie ainsi qu'une loi divine, les heureux en haut, les misérables en bas, sans aucun changement possible. Et devant certaines pages du livre, quels étonnements elle gardait, quelle peine elle éprouvait à s'initier. Quoi ? S'intéresser au bas peuple, croire qu'il avait la même âme, les mêmes chagrins, vouloir travailler à sa joie comme à celle d'un frère. Elle s'y efforçait pourtant, sans trop réussir, avec une sourde crainte de commettre un péché, car le mieux, et de ne rien changer à l'ordre social établi par Dieu, consacré par l'Église. Certes, elle était charitable, elle donnait les petites aumônes accoutumées, mais elle ne donnait pas son cœur. Elle manquait totalement d'altruisme, de sympathie véritable, née et grandie dans l'atavisme d'une race différente, faite pour avoir, en haut du ciel, des trônes au-dessus de la plèbe des élus. Et d'autres matins, ils se retrouvèrent à l'ombre du laurier, près de la fontaine chantante. Et Pierre, inoccupé, las d'attendre une solution qui semblait reculer d'heure en heure, se passionna pour animer de sa fraternité libératrice cette jeune femme si belle, toute resplendissante d'un jeune amour. Une idée continuait à l'enflammer, celle qu'il catéchisait l'Italie elle-même, la reine de beauté assoupie encore dans son ignorance, et qui retrouverait sa grandeur ancienne si elle s'éveillait au temps nouveau, avec une âme élargie, pleine de pitié pour les choses et pour les êtres. Il lui lut les lettres du bon abbé Rose, il la fit frémir de l'effroyable sanglot qui monte des grandes villes. Puisqu'elle avait des yeux si profonds de tendresse, puisque d'elle entière émanait le bonheur d'aimer et d'être aimé, pourquoi donc ne reconnaissait-elle pas avec lui que la loi d'amour était l'unique salut de l'humanité souffrante, tombée par la haine en danger de mort? Elle le reconnaissait. Elle voulait lui faire le plaisir de croire à la démocratie, à la refonte fraternelle de la société. Mais chez les autres peuples, pas à Rome. Car un rire doux, involontaire, lui venait dès qu'il évoquait ce qu'il restait du Transtévère fraternisant avec ce qu'il restait des vieux palais princiers. Non, non, c'était depuis trop longtemps ainsi, il ne fallait rien changer à ces choses. Et, en somme, l'élève ne faisait guère de progrès. Elle n'était réellement touchée que par la passion d'aimer qui brûlait si intense chez ce prêtre, et qu'il avait chastement détourné de la créature pour la reporter sur la création entière. Pendant ces quelques matins d'octobre ensoleillé, un lien d'une exquise douceur se noua entre eux. Ils s'aimèrent réellement d'un amour profond et pur, dans le grand amour qui les dévorait tous les deux. Puis, un jour, Benedetta, le coude appuyé au sarcophage, parla de Dario, dont elle avait évité de prononcer le nom jusque-là. Ah, le pauvre ami! Comme il s'était montré discret et repentant après son coup de brutale démence. D'abord, pour cacher sa gêne, il s'en était allé passer 3 jours à Naples, où l'on disait que la Tonietta, l'aimable fille au bouquet de roses blanches, tombée follement amoureuse de lui, avait couru le rejoindre. Et depuis son retour au palais, il évitait de se retrouver seul avec sa cousine. Il ne la voyait guère que le lundi soir, l'air soumis, implorant des yeux son pardon. « Hier, continua-t-elle, je l'ai rencontré dans l'escalier, je lui ai donné la main, et il a compris que je n'étais plus fâchée. Il a été bien heureux. Que voulez-vous? On ne peut pas être longtemps sévère. Et puis, j'ai peur qu'il ne finisse par se compromettre avec cette femme, s'il s'amusait trop pour s'étourdir. Il faut qu'il sache bien que je l'aime toujours, que je l'attends toujours. Oh, il est à moi seul. Il serait là, dans mes bras, pour jamais, si je pouvais dire un mot. Mais nos affaires vont si mal, si mal. » Elle se tut. 2 grosses larmes avaient paru dans ses yeux. Le procès en annulation de mariage, en effet, semblait s'arrêter devant des obstacles de toutes sortes qui, chaque jour, renaissait. Et Pierre fut très émue de ces larmes, si rares chez elle. Parfois, elle-même avouait, avec son calme sourire, qu'elle ne savait pas pleurer. Mais son cœur se fondait. Elle resta un instant comme anéantie, accoudée au sarcophage moussu, à demi rongée par l'eau, tandis que le filet clair, tombé de la bouche béante du masque tragique, continuait sa note perlée de flûte. L'idée brusque de la mort s'était dressée devant le prêtre. À la voir si jeune, si éclatante de beauté, défaillir au bord de ce marbre, où les faunes qui s'y ruaient parmi des femmes, en une bacchanale frénétique, disaient la toute-puissance de l'amour, dont les anciens se plaisaient à sculpter le symbole sur les tombes pour affirmer l'éternité de la vie. Et un petit souffle de vent chaud passa dans la solitude ensoleillée et silencieuse du jardin, apportant l'odeur pénétrante des orangers et des buis. « Quand on aime, on est si fort !» murmura-t-il. « Oui, oui, vous avez raison, » reprit-elle, souriante déjà. « Je ne suis qu'une enfant. Mais c'est votre faute avec votre livre. Je ne le comprends bien que lorsque je souffre. Tout de même, n'est-ce pas, je fais des progrès. Puisque vous le voulez, que tous les pauvres soient donc mes frères, et qu'elles soient mes sœurs, toutes celles qui ont des peines comme moi. » D'ordinaire, Benedetta remontait la première à son appartement, et Pierre s'attardait parfois, resté seul sous le laurier, dans le léger parfum de femme qu'elle laissait. Il rêvait confusément à des choses douces et tristes. Comme l'existence se montrait dure pour les pauvres êtres que brûlait l'unique soif du bonheur. Autour de lui, le silence s'était élargi encore. Tout le vieux palais dormait son lourd sommeil de ruine, avec sa cour voisine, semée d'herbes, entourée de son portique mort, où moisissaient des marbres de fouille, un Apollon sans bras et le torse tronqué d'une Vénus. Et de loin en loin, ce silence de tombe n'était troublé que par le grondement brusque d'un carrosse de prélat, en visite chez le cardinal, s'engouffrant sous le porche, tournant dans la cour déserte à grand bruit de roues. Un lundi, vers 10h15, dans le salon de Donna Serafina, il n'y avait plus que les jeunes gens. Monsignor et Nanni n'avaient fait que paraître. Le cardinal Sarno venait de partir. Et, près de la cheminée, à sa place habituelle, Donna Serafina elle-même se tenait comme à l'écart, les yeux fixés sur la place inoccupée de l'avocat Morano, qui s'entêtait à ne point reparaître. Devant le canapé où Benedetta et Celia se trouvaient assises, Dario, l'abbé Pierre et Narcisse Haber étaient debout, causant et riant. Depuis quelques minutes, Narcisse s'amusait à plaisanter le jeune prince, qu'il prétendait avoir rencontré en compagnie d'une très belle fille. « Mais mon cher, ne vous défendez pas, car elle est vraiment superbe. Elle marchait à côté de vous, et vous vous êtes engagé dans une ruelle déserte, le Borgo Angelico, je crois, où je ne vous ai pas suivi par discrétion. » Dario souriait, l'air très à l'aise, en homme heureux, incapable de renier son goût passionné de la beauté. Sans doute, c'était bien moi, je ne nie pas. Seulement, l'affaire n'est pas celle que vous pensez. » Et se retournant vers Benedetta, qui s'égayait elle aussi, sans aucune ombre d'inquiétude jalouse, comme ravie au contraire du plaisir des yeux qu'il avait pu prendre un instant, « Tu sais, il s'agit de cette pauvre fille que j'ai trouvée en larmes il y a près de 6 semaines. Oui, cette ouvrière en perles qui sanglotait à cause du chômage et qui s'est mise toute rouge à galoper devant moi pour me conduire chez ses parents lorsque j'ai voulu lui donner une pièce blanche. Pierina, tu te rappelles bien ? Pierina, parfaitement. Alors, imaginez-vous, je l'ai déjà, depuis ce jour, rencontrée 4 ou 5 fois sur mon chemin. Et c'est vrai, elle est si extraordinairement belle que je m'arrête et que je cause. L'autre jour, je l'ai conduite ainsi jusque chez un fabricant, mais elle n'a pas encore trouvé d'ouvrage. Elle s'est remise à pleurer et, ma foi, pour la consoler un peu, je l'ai embrassée. Ah, elle en est restée saisie et heureuse, si heureuse. Tous, maintenant, riaient de l'histoire. Mais Celia, la première, se calma. Elle dit d'une voix très grave, « Vous savez, Dario, qu'elle vous aime. Il ne faut pas être méchant. » Sans doute, Dario pensait comme elle, car il regarda de nouveau Benedetta, avec un hochement gai de la tête, pour dire que, s'il était aimé, lui n'aimait pas. Une perlière, une fille du bas peuple? Ah non, elle pouvait être une Vénus, elle n'était pas une maîtresse possible. Et il s'amusa beaucoup lui-même de l'aventure romanesque que Narcisse arrangeait en un sonnet à la mode ancienne. La belle perlière, tombant amoureuse folle du jeune prince qui passe, beau comme le jour, et qui lui a donné un écu, touché de son infortune. La belle perlière, dès lors, le cœur bouleversé de le trouver aussi charitable que beau, ne rêvant plus que de lui, le suivant partout, attaché à ses pas, par un lien de flamme. Et la belle perlière, enfin, qui a refusé l'écu, demandant de ses yeux soumis et tendres, obtenant l'aumône que le jeune prince daigne un soir lui faire de son cœur. Benedetta se plut beaucoup à ce jeu. Mais Celia, avec sa face angélique, son air de petite fille qui aurait dû tout ignorer, restait très sérieuse, répétait tristement « Dario, Dario, elle vous aime, il ne faut pas la faire souffrir. » Alors la contessina finit par s'apitoyer à son tour. « Et ils ne sont pas heureux, ces pauvres gens. » « Oh !» s'écria le prince, « une misère à ne pas croire. Le jour où elle m'a mené là-bas, auprès du château, j'en suis resté suffoqué. C'est une horreur étonnante. » « Mais je me souviens, reprit-elle, nous avions fait le projet d'aller les visiter, ces malheureux, et c'est fort mal d'avoir tardé jusqu'ici. N'est-ce pas, monsieur l'abbé Froment, vous étiez très désireux pour vos études de nous accompagner et de voir ainsi de près la classe pauvre à Rome. » Elle avait levé les yeux vers Pierre, qui se taisait depuis un instant. Il fut très attendri que cette pensée de charité lui revînt, car il sentit, au léger tremblement de sa voix, qu'elle voulait se montrer ainsi une élève docile, faisant des progrès dans l'amour des humbles et des misérables. Tout de suite, d'ailleurs, la passion de son apostolat l'avait repris. « Oh, dit-il, je ne quitterai Rome qu'après y avoir vu le peuple qui souffre, sans travail et sans pain. La maladie est là, pour toutes les nations, et le salut ne peut venir que par la guérison de la misère. Quand les racines de l'arbre ne mangent pas, l'arbre meurt. « Eh bien, reprit-elle, nous allons prendre rendez-vous tout de suite. Vous viendrez avec nous auprès du château. Dario nous conduira. » Celui-ci, qui avait écouté le prêtre d'un air stupéfait, sans bien comprendre l'image de l'arbre et de ses racines, se récria plein de détresse. Non, non, cousine. Promène là-bas, monsieur l'abbé, si cela t'amuse. Moi, j'y suis allée et je n'y retourne pas. Parole, en rentrant, j'ai failli me mettre au lit, la cervelle et l'estomac à l'envers. Non, non, c'est trop triste. Ce n'est pas possible, des abominations pareilles. À ce moment, une voix mécontente s'éleva du coin de la cheminée. Donna Séraphine sortait de son long silence. « Il a raison, Dario. Envoie ton aumône, ma chère, et j'y joindrai volontiers la mienne. Seulement, il y a d'autres endroits plus utiles à voir, où tu peux conduire monsieur l'abbé. Tu vas, en vérité, lui faire emporter là un beau souvenir de notre ville. » L'orgueil romain sonnait seul au fond de sa mauvaise humeur. À quoi bon montrer ses plaies aux étrangers, qui viennent amenés peut-être par des curiosités hostiles? Il fallait être toujours en beauté, ne montrer Rome que dans l'apparat de sa gloire. Mais Narcisse s'était emparé de Pierre. « Oh, mon cher, c'est vrai, j'oubliais de vous recommander cette promenade. Il faut absolument que vous visitiez le nouveau quartier qu'on a bâti auprès du château. Il est typique, il résume tous les autres. Et vous n'aurez pas perdu votre temps, je vous en réponds, car rien au monde ne vous en dira plus long sur la Rome actuelle. C'est extraordinaire, extraordinaire. » Puis, s'adressant à Benedetta, « Est-ce entendu ? Voulez-vous demain matin ? Vous nous trouveriez là-bas, l'abbé et moi, parce que je tiens à le mettre d'abord au courant pour qu'il comprenne. À 10 heures, voulez-vous ? » Avant de répondre, la contessina, qui s'était tournée vers sa tante, lui tint tête respectueusement. « Allez, ma tante, monsieur l'abbé a dû rencontrer assez de mendiants dans nos rues. Il peut tout voir. Et d'ailleurs, d'après ce qu'il raconte dans son livre, il n'en verra pas plus à Rome qu'il n'en a vu à Paris. Partout, comme il le dit quelque part, la fin est la même. » Puis, elle s'attaqua à Dario, très douce, l'air raisonnable. « Tu sais, mon Dario, que tu me ferais un bien gros plaisir en me conduisant là-bas. Sans toi, nous aurions trop l'air de tomber du ciel. Nous prendrons la voiture, nous irons rejoindre ces messieurs, et ça nous fera une très jolie promenade. Il y a si longtemps que nous ne sommes sortis ensemble. » Certainement, c'était là ce qui la ravissait, d'avoir ce prétexte pour l'emmener, pour se réconcilier tout à fait avec lui. Il sentit cela. Il ne put se dérober et il affecta de plaisanter. « Ah, cousine, tu seras cause que j'aurai des cauchemars tout le restant de la semaine. Une partie de plaisir comme ça, vois-tu, c'est à gâter pour 8 jours le bonheur de vivre. » Il frémissait de révolte à l'avance. Les rires recommencèrent. Et, malgré la muette désapprobation de Donna Serafina, le rendez-vous fut définitivement fixé au lendemain 10 heures. En partant, Celia regretta vivement de ne pouvoir en être. Mais elle, avec sa candeur fermée de lys en bouton, ne s'intéressait qu'à la Pierina. Aussi, dans l'antichambre, se pencha-t-elle à l'oreille de son amie. « Cette beauté, regarde-la bien, ma chère, pour me dire si elle est belle, très belle. Plus belle que toutes. » Le lendemain, à 9 heures, lorsque Pierre retrouva Narcisse près du château Saint-Ange, il s'étonna de le voir retomber dans son enthousiasme d'art, langoureux et pâmé. D'abord, il ne fut plus du tout question des quartiers nouveaux, ni de l'effroyable catastrophe financière qu'ils avaient provoquée. Le jeune homme raconta qu'il s'était levé avec le soleil pour aller passer 1 heure devant la Sainte Thérèse du Bernin. Quand il ne l'avait pas vue depuis 8 jours, il disait en souffrir, le cœur gros de larmes, comme de la privation d'une maîtresse très aimée. Et il avait des heures pour l'aimer ainsi, différemment à cause de l'éclairage. Le matin, de tout un élan mystique de son âme, sous la lumière d'aube qu'il habillait de blancheur. L'après-midi, de toute la passion rouge du sang des martyrs, dans les rayons obliques du soleil couchant, dont la flamme semblait ruisseler en elle. « Ah, mon ami !» déclara-t-il de son air là, les yeux noyés de mauve. « Ah, mon ami, vous n'avez pas idée de son troublant et délicieux réveil ce matin. Une vierge ignorante et pure, et qui, brisée de volupté, ouvre languissamment les yeux, encore pâmée d'avoir été possédée par Jésus. Ah, c'est à mourir !» Puis, se calmant, au bout de quelques pas, il reprit de sa voix nette de garçon pratique, très d'aplomb dans la vie. « Dites donc, nous allons nous rendre tout doucement auprès du château, dont vous apercevez les constructions là-bas, en face de nous. Et pendant que nous marcherons, je vous raconterai ce que je sais. Oh, l'histoire la plus extravagante, un de ces coups de folie de la spéculation qui sont beaux comme l'œuvre monstrueuse et belle de quelque génie détraqué. J'ai été mis au courant par des parents à moi qui ont joué ici et qui, ma foi, ont gagné des sommes considérables. » Alors, avec une clarté et une précision d'homme de finance, employant les termes techniques d'un air d'aisance parfaite, il conta l'extraordinaire aventure. Au lendemain de la conquête de Rome, lorsque l'Italie entière délirait d'enthousiasme, à l'idée de posséder enfin la capitale tant désirée, l'antique et glorieuse ville, l'éternel qui avait la promesse de l'empire du monde, ce fut d'abord une explosion bien légitime de la joie et de l'espoir d'un peuple jeune, constitué de la veille, ayant hâte d'affirmer sa puissance. Il s'agissait de prendre possession de Rome, d'en faire la capitale moderne, seule digne d'un grand royaume. Et il s'agissait avant tout de l'assainir, de la nettoyer des ordures qui la déshonoraient. On ne peut plus s'imaginer dans quelle saleté immonde baignait la ville des papes. La Roma sporca regrettait des artistes. Pas même de latrine. La voie publique servant à tous les besoins, les ruines augustes transformées en dépotoirs, les abords des vieux palais princiers souillés d'excréments, un lit d'épluchures, de détritus, de matières en décomposition montant de partout, changeant les rues en égouts empoisonnés, d'où soufflaient de continuelles épidémies. La nécessité de vastes travaux d'édilité s'imposait. C'était une véritable mesure de salut. Le rajeunissement, la vie assurée et plus large, de même qu'il était juste de songer à bâtir de nouvelles maisons pour les habitants nouveaux qui devaient affluer de toutes parts. Le fait s'est passé à Berlin, après la constitution de l'Empire d'Allemagne. La ville avait vu sa population s'accroître en coups de foudre par centaines de mille âmes. Rome, certainement, allait elle aussi doubler, tripler, quintupler, attirant à elle les forces vives des provinces, devenant le centre de l'existence nationale. Et l'orgueil s'en mêla. Il fallait montrer au gouvernement déchu du Vatican ce dont l'Italie était capable, de quelle splendeur rayonnerait la nouvelle Rome, la troisième Rome, qui dépasserait les deux autres, l'impériale et la papale, par la magnificence de ses voies et le flot débordant de ses foules. Les premières années, cependant, le mouvement des constructions garda quelque prudence. On fut assez sage pour ne bâtir qu'au fur et à mesure des besoins. D'un bond, la population avait doublé, était montée de 200 000 à 400 000 habitants. Tout le petit monde des employés, des fonctionnaires venus avec les administrations publiques, toute la cohue qui vit de l'État ou espère en vivre, sans compter les oisifs, les jouisseurs qu'une cour traîne après elle. Ce fut là une première cause de griserie. Personne ne douta que cette marche ascensionnelle ne continuât, ne se précipitât même. Dès lors, la cité de la veille ne suffisait plus. Il fallait sans attendre faire face aux besoins du lendemain, en élargissant Rome hors de Rome, dans tous les antiques faubourgs déserts. On parlait aussi du Paris du Second Empire, si agrandi, changé en une ville de lumière et de santé. Mais au bord du Tibre, le malheur fut, à la première heure, qu'il n'y eut pas un plan général, pas plus qu'un homme de regard clair, maître souverain de la situation, s'appuyant sur des sociétés financières puissantes. Et ce que l'orgueil avait commencé, cette ambition de surpasser en éclat la Rome des Césars et des Papes, cette volonté de refaire de la cité éternelle, prédestinée, le centre et la reine de la terre, la spéculation l'acheva. Un de ces extraordinaires souffles de l'agio, une de ces tempêtes qui naissent, font rage, détruisent et emportent tout, sans que rien les annonce ni les arrête. Brusquement, le bruit courut que des terrains, achetés 5 francs le mètre, se revendaient 100 francs. Et la fièvre s'alluma, la fièvre de tout un peuple que le jeu passionne. Un vol de spéculateurs venus de la Haute-Italie s'était abattu sur Rome, la plus noble et la plus facile des proies. Pour ces montagnards, pauvres, affamés, la curée des appétits commence, dans ce midi voluptueux où la vie est si douce. De sorte que les délices du climat, elles-mêmes corruptrices, activèrent la décomposition morale. Puis, il n'y avait vraiment qu'à se baisser. Les écus d'abord se ramassèrent à la pelle parmi les décombres des premiers quartiers qu'on éventra. Les gens adroits, qui flairaient le tracé des voies nouvelles, s'étaient rendus acquéreurs des immeubles menacés d'expropriation, décuplèrent leurs fonds en moins de 2 ans. Alors la contagion grandit, empoisonna la ville entière, de proche en proche. Les habitants, à leur tour, furent emportés. Toutes les classes entrèrent en folie, les princes, les bourgeois, les petits propriétaires, jusqu'aux boutiquiers, les boulangers, les épiciers, les cordonniers. À ce point qu'on cita plus tard un simple boulanger qui fit une faillite de 45 millions. Et ce n'était plus que le jeu exaspéré, un jeu formidable dont la fièvre avait remplacé le petit train réglementé du loto papal, un jeu à coups de millions où les terrains et les bâtisses devenaient fictifs, de simples prétextes à des opérations de bourse. Le vieil orgueil atavique qui avait rêvé de transformer Rome en capitale du monde s'exalta ainsi jusqu'à la démence sous cette fièvre chaude de la spéculation, achetant des terrains, bâtissant des maisons pour les revendre, sans mesure, sans arrêt, de même qu'on lance des actions, tant que les presses veulent bien en imprimer. Certainement, jamais ville en évolution n'a donné pareil spectacle. Aujourd'hui, lorsqu'on tâche de comprendre, on reste confondu. Le chiffre de la population avait dépassé 400 000 et il semblait rester stationnaire. Mais cela n'empêchait pas la végétation des quartiers neufs de sortir du sol, toujours plus dru. Pour quel peuple futur bâtissait-on avec cette sorte de rage? Par quelle aberration en arrivait-on à ne pas attendre les habitants, à préparer ainsi des milliers de logements aux familles de demain qui viendraient peut-être. La seule excuse était de s'être dit d'avoir posé à l'avance, comme une vérité indiscutable, que la troisième Rome, la capitale triomphante de l'Italie, ne pouvait avoir moins d'un million d'âmes. Elles n'étaient pas venues, mais elles allaient venir sûrement. Aucun patriote n'en pouvait douter, sans crime de lèse-patrie. Et on bâtissait sans relâche pour les 500 000 citoyens en route. On ne s'inquiétait même plus du jour de leur arrivée. Il suffisait que l'on comptât sur eux. Encore, dans Rome, les sociétés qui s'étaient formées pour la construction des grandes voies, au travers des vieux quartiers malsains abattus, vendaient ou louaient leurs immeubles, réalisaient de gros bénéfices. Seulement, à mesure que la folie croissait, pour satisfaire à la fringale du lucre, d'autres sociétés se créèrent, dans le but d'élever, hors de Rome, des quartiers encore, des quartiers toujours, de véritables petites villes dont on n'avait nul besoin. À la porte Saint-Jean, à la porte Saint-Laurent, des faubourgs poussèrent comme par miracle. Sur les immenses terrains de la Villa Ludovisi, de la porte Salaria à la porte Pia, jusqu'à Sainte-Agnès, une ébauche de ville fut commencée. Enfin, auprès du château, ce fut toute une cité qu'on voulut d'un coup faire naître du sol, avec son église, son école, son marché. Et il ne s'agissait pas de petites maisons ouvrières, de logements modestes pour le menu peuple et les employés. Il s'agissait de bâtisses colossales, de vrais palais à 3 et 4 étages, développant des façades uniformes et démesurées, qui faisaient de ces nouveaux quartiers excentriques des quartiers babyloniens. Que des capitales de vie intense et industrielle, comme Paris ou Londres, pourraient seules peupler. Ce sont là les monstrueux produits de l'orgueil et du jeu. Et quelle page d'histoire! Quelle leçon amère lorsque Rome, aujourd'hui ruinée, se voit déshonorée en outre par cette laide ceinture de grandes carcasses crayeuses et vides, inachevées pour la plupart, dont les décombres déjà sèment les rues pleines d'herbes. L'effondrement fatal, le désastre fut effroyable. Narcisse en donnait les raisons, en suivait les diverses phases, si nettement que Pierre comprit. De nombreuses sociétés financières avaient naturellement poussé dans ce terreau de la spéculation. L'immobilière, la Società d'Edilizia, la Fondiara, la Tiberina, l'Esquilino, presque toutes faisaient construire, bâtissaient des maisons énormes, des rues entières, pour les revendre. Mais elles jouaient également sur les terrains, les cédaient à de gros bénéfices aux petits spéculateurs qui s'improvisaient de toutes parts, rêvant des bénéfices à leur tour, dans la hausse continue et factice que déterminait la fièvre croissante de l'agio. Le pis était que ces bourgeois, ces boutiquiers sans expérience, sans argent, s'affolaient jusqu'à faire construire eux aussi, en empruntant aux banques, en se retournant vers les sociétés qui leur avaient vendu les terrains, pour obtenir d'elles l'argent nécessaire à l'achèvement des constructions. Le plus souvent, pour ne pas tout perdre, les sociétés se trouvaient un jour forcées de reprendre les terrains et les constructions, même inachevées, ce qui amenait entre leurs mains un engorgement formidable dont elles devaient périr. Si le million d'habitants était venu occuper les logements qu'on lui préparait, dans un rêve d'espoir si extraordinaire, les gains auraient pu être incalculables. Rome, en 10 ans, s'enrichissait, devenait une des plus florissantes capitales du monde. Seulement, ses habitants s'entêtait à ne pas venir. Rien ne se louait, les logements restaient vides. Et alors, la crise éclata en coup de foudre avec une violence sans pareille pour deux raisons. D'abord, les maisons bâties par les sociétés étaient des morceaux trop gros, d'un achat difficile, devant lesquels reculait la foule des rentiers moyens, désireux de placer leur argent dans le foncier. L'atavisme avait agi, les constructeurs avaient vu trop grand une série de palais magnifiques destinés à écraser ceux des autres âges, et qui allaient rester mornes et déserts comme un des témoignages les plus inouïs de l'orgueil impuissant. Il ne se rencontra donc pas de capitaux particuliers qui osassent ou qui pussent se substituer à ceux des sociétés. Ensuite, ailleurs, à Paris, à Berlin, les quartiers neufs, les embellissements, se sont faits avec des capitaux nationaux, avec l'argent de l'épargne. Au contraire, à Rome, tout s'est bâti avec du crédit, des lettres de change à 3 mois, et surtout avec de l'argent étranger. On estime à près d'un milliard l'énorme somme engloutie, dont les 4/5 étaient de l'argent français. Cela se faisait simplement de banquier à banquier, les banquiers français prêtant à 3,5 ou 4% aux banquiers italiens, qui, de leur côté, prêtaient aux spéculateurs, aux constructeurs de Rome, à 6, 7 et même 8%. Aussi s'imagine-t-on le désastre lorsque la France, que fâchait l'alliance de l'Italie avec l'Allemagne, retira ses 800 millions en moins de 2 ans. Un immense reflux se produisit, vidant les banques italiennes. Et les sociétés foncières, toutes celles qui spéculaient sur les terrains et les constructions, forcées de rembourser à leur tour, durent s'adresser aux sociétés d'émission, celles qui avaient la faculté d'émettre du papier. En même temps, elles intimidèrent l'État, elles le menacèrent d'arrêter les travaux et de mettre sur le pavé de Rome 40 000 ouvriers sans ouvrage s'ils n'obligeaient pas les sociétés d'émission à leur prêter les 5 ou 6 millions de papiers dont elles avaient besoin. Ce que l'État finit par faire, épouvanté à l'idée d'une faillite générale. Naturellement, aux échéances, les 5 ou 6 millions ne purent être rendus, puisque les maisons ne se vendaient ni ne se louaient. De sorte que l'écroulement commença, se précipita, des décombres sur des décombres. Les petits spéculateurs tombèrent sur les constructeurs, ceux-ci sur les sociétés foncières, celles-ci sur les sociétés d'émission, qui tombèrent sur le crédit public, ruinant la nation. Voilà comment une crise simplement édilitaire devint un effroyable désastre financier, un danger d'effondrement national, tout un milliard inutilement englouti. Rome, enlaidie, encombrée de jeunes ruines honteuses, les logements béants et vides, pour les 500 000 ou 600 000 habitants rêvés qu'on attend toujours. D'ailleurs, dans le vent de gloire qui soufflait, l'État lui-même voyait colossal. Il s'agissait de créer de toutes pièces une Italie triomphante, de lui faire accomplir en 25 ans la besogne d'unité et de grandeur que d'autres nations ont mis des siècles à faire solidement. Aussi était-ce une activité fébrile, des dépenses prodigieuses, des canaux, des ports, des routes, des chemins de fer, des travaux publics démesurés dans toutes les villes. On improvisait, on organisait la grande nation, sans compter. Depuis l'alliance avec l'Allemagne, le budget de la guerre et de la marine dévorait les millions inutilement, et on ne faisait face aux besoins sans cesse grandissants qu'à coups d'émissions, Les emprunts se succédaient d'année en année. Rien qu'à Rome, la construction du ministère de la guerre coûtait 10 millions, celle du ministère des Finances, 15, et l'on dépensait 100 millions pour les quais, qui ne sont pas finis, et l'on engloutissait plus de 250 millions dans les travaux de défense autour de la ville. C'était encore et toujours la flambée d'orgueil fatale. La sève de cette terre qui ne peut s'épanouir qu'en projets trop vastes, la volonté d'éblouir le monde et de le conquérir dès qu'on a posé le pied au Capitole, même dans la poussière accumulée de tous les pouvoirs humains qui s'y sont écroulés les uns sur les autres. « Et, mon cher ami, continua Narcisse, si je descendais dans les histoires qui circulent, qu'on se raconte à l'oreille, si je vous citais certains faits, vous seriez stupéfait, épouvanté du degré de démence où cette ville entière, si raisonnable au fond, si indolente et si égoïste, a pu monter sous la terrible fièvre contagieuse de la passion du jeu. Le petit monde, les ignorants et les sots ne s'y sont pas ruinés seuls, car les grandes familles, presque toute la noblesse romaine y a laissé crouler les antiques fortunes, et l'or, et les palais, et les galeries de chefs-d'œuvre qu'elle devait à la munificence des papes. Ces colossales richesses qu'il avait fallu des siècles de népotisme pour entasser entre les mains de quelques-uns ont fondu comme de la cire en 10 ans à peine au feu niveleur de la géomoderne. Puis, s'oubliant, ne pensant plus qu'il parlait à un prêtre, il conta une de ces histoires équivoques. « Tenez, notre bon ami Dario, prince Boccanera, le dernier du nom, qui en est réduit à vivre des miettes de son oncle le cardinal, lequel n'a plus guère que l'argent de sa charge. Eh bien, il roulerait sûrement carrosse sans l'extraordinaire histoire de la Villa Montefiori. On doit vous avoir déjà mis au courant. Les vastes terrains de cette villa cédés pour 10 millions à une compagnie financière. Puis, le prince Onofrio, le père de Dario, mordu par le besoin de spéculer, rachetant fort cher ses propres terrains, jouant dessus, faisant bâtir. Puis, la catastrophe finale emportant, avec les 10 millions, tout ce qu'il possédait lui-même, les débris de la fortune anciennement colossale des Boccanera. Mais ce qu'on ne vous a sans doute pas dit, ce sont les causes cachées, le rôle que le comte Prada, justement l'époux séparé de cette délicieuse contessina que nous attendons, a joué là-dedans. Il était l'amant de la princesse Boccanera, la belle Flavia Montefiori qui avait apporté la villa au prince. Oh, une créature admirable, beaucoup plus jeune que son mari. Et l'on assure que Prada tenait le mari par la femme, à ce point que celle-ci se refusait le soir quand le vieux prince hésitait à donner une signature à s'engager davantage dans une aventure dont il avait flairé d'abord le danger. Prada y a gagné les millions qu'il mange aujourd'hui d'une façon fort intelligente. Et quant à la belle Flavia, devenue mûre, vous savez qu'après avoir tiré une petite fortune du désastre, elle a renoncé galamment à son titre de princesse Boccanera pour s'acheter un bel homme, un second mari, beaucoup plus jeune qu'elle, cette fois, dont elle a fait un marquis Montefiori, lequel l'entretient en joie et en beauté opulente malgré ses 50 ans passés. Dans tout cela, il n'y a de victime que notre bon ami Dario, totalement ruiné, résolu à épouser sa cousine, pas plus riche que lui. Il est vrai qu'elle le veut et qu'il est incapable de ne pas l'aimer autant qu'elle l'aime. Sans cela, il aurait déjà accepté quelque américaine, une héritière à millions, ainsi que tant d'autres princes. À moins que le cardinal et Donna Serafina ne s'y fussent opposés, car ces deux-là sont aussi des héros dans leur genre, des Romains d'orgueil et d'entêtement, qui entendent garder leur sang pur de toute alliance étrangère. Enfin, espérons que le bon Mario et cette Benedetta exquise seront heureux ensemble. » Il s'interrompit. Puis, au bout de quelques pas faits en silence, il continua plus bas. « Moi, j'ai un parent qui a ramassé près de 3 millions dans l'affaire de la Villa Montefiori. Ah, comme je regrette de n'être arrivé ici qu'après ces temps héroïques de la Gio. Comme cela devait être amusant, et quel coup à faire pour un joueur de sang-froid !» Mais brusquement, en levant la tête, il aperçut devant lui le quartier neuf des prés du château. Et sa physionomie changea. Il redevint l'âme artiste, indigné des abominations modernes dont on avait souillé la Rome papale. Ses yeux pâlirent. Sa bouche exprima l'amer dédain du rêveur blessé dans sa passion des siècles disparus. « Voyez, voyez cela. Oh, ville d'Auguste, ville de Léon X, ville de l'éternelle puissance et de l'éternelle beauté. » Pierre, en effet, restait lui-même saisi. À cette place, autrefois, s'étendaient en terrain plat les prairies du château Saint-Ange, coupées de peupliers tout le long du Tibre, jusqu'aux premières pentes du mont Mario. Vastes herbages aimés des artistes pour le premier plan de riante verdure qu'ils faisaient au Borgo et au dôme lointain de Saint-Pierre. Et c'était maintenant, au milieu de cette plaine bouleversée, lépreuse et blanchâtre, une ville entière. Une ville de maisons massives, colossales, des cubes de pierre réguliers, tous pareils, avec des rues larges, se coupant à angle droit, un immense damier aux cases symétriques. D'un bout à l'autre, les mêmes façades se reproduisaient. On aurait dit des séries de couvents, de casernes, d'hôpitaux, dont les lignes identiques se continuaient sans fin. Et l'étonnement, l'impression extraordinaire et pénible, venait surtout de la catastrophe, inexplicable d'abord, qui avait immobilisé cette ville en pleine construction, comme si, par quelque matin maudit, un magicien de désastre avait, d'un coup de baguette, arrêter les travaux, vider les chantiers turbulents, laisser les bâtisses telles qu'elles étaient, à cette minute précise, dans un morne abandon. Tous les états successifs se retrouvaient, depuis les terrassements, les trous profonds creusés pour les fondations, restés béants et que des herbes folles avaient envahis, jusqu'aux maisons entièrement debout, achevées et habitées. Il y avait des maisons dont les murs sortaient à peine du sol. Il y en avait d'autres qui atteignaient le deuxième, le troisième étage, avec leurs planchers de solives de fer à jour, leurs fenêtres ouvertes sur le ciel. Il y en avait d'autres montées complètement, couvertes de leurs toits, telles que des carcasses livrées aux batailles des vents, toutes semblables à des cages vides. Puis, c'étaient des maisons terminées, mais dont on n'avait pas eu le temps d'enduire les murs extérieurs, et d'autres qui étaient demeurées sans boiserie, ni aux portes, ni aux fenêtres, et d'autres qui avaient bien leurs portes et leurs persiennes, mais clouées, telles que des couvercles de cercueils, les appartements morts, sans une âme. Et d'autres enfin, habitées, quelques-unes en partie, très peu totalement vivantes de la plus inattendue des populations. Rien ne pouvait rendre l'affreuse tristesse de ces choses. La ville de la Belle au bois dormant, frappée d'un sommeil mortel avant même d'avoir vécu, s'anéantissant au lourd soleil, dans l'attente d'un réveil qui paraissait ne devoir jamais venir. À la suite de son compagnon, Pierre s'était engagé dans les larges rues désertes, d'une immobilité et d'un silence de cimetière. Pas une voiture, pas un piéton n'y passait. Certaines n'avaient pas même de trottoir. L'herbe envahissait la chaussée, non pavée encore, tel qu'un champ qui retournait à l'état de nature. Et pourtant, des becs de gaz provisoires restaient là depuis des années, de simples tuyaux de plomb liés à des perches. Aux deux côtés, les propriétaires avaient clos hermétiquement les baies des rez-de-chaussée et des étages, à l'aide de grosses planches pour éviter d'avoir à payer l'impôt des portes et fenêtres. D'autres maisons, commencées à peine, étaient barrées de palissades, dans la crainte que les caves ne devinssent le repère de tous les bandits du pays. Mais surtout, la désolation était les jeunes ruines, de hautes bâtisses superbes, pas finies, pas crépies même, n'ayant pu vivre encore de leur existence de géants de pierre, et qui se lézardaient déjà de toutes parts, et qu'il avait fallu étayer avec des complications de charpente pour qu'elles ne tombassent pas en poudre sur le sol. Le cœur se serrait, comme dans une cité d'où un fléau aurait balayé les habitants. La peste, la guerre, un bombardement, dont ses carcasses béantes semblaient garder les traces. Puis, à l'idée que c'était là une naissance avortée, et non une mort, que la destruction allait faire son œuvre avant que les habitants rêvés et attendus en vain eussent apporté la vie à ces maisons mornées, la mélancolie s'aggravait. On était débordé d'une infinie désespérance humaine. Et il y avait encore l'ironie affreuse, à chaque angle, de magnifiques plaques de marbre portant les noms des rues. Des noms illustres empruntés à l'histoire, les Gracques, les Scipions, Pline, Pompée, Jules César, qui éclataient là, sur ces murs inachevés et croulants, comme une dérision, comme un soufflet du passé donné à l'impuissance d'aujourd'hui. Alors, Pierre fut une fois de plus frappé de cette vérité, que quiconque possède Rome est dévoré de la folie du marbre, du besoin vaniteux de bâtir et de laisser au peuple futur son monument de gloire. Après les Césars entassant leur palais au Palatin, après les papes rebâtissant la Rome du Moyen-Âge et la timbrant de leurs armes, voilà que le gouvernement italien n'avait pu devenir le maître de la ville sans vouloir tout de suite la reconstruire, plus resplendissante et plus énorme qu'elle n'avait jamais été. C'était la suggestion même du sol. C'était le sang d'Auguste qui, de nouveau, montait au crâne des derniers venus. Les jetait à la démence de faire de la troisième Rome la nouvelle reine de la terre. Et de là, les projets gigantesques, les quais cyclopéens, les simples ministères luttant avec le Colisée. Et de là, ces quartiers neufs aux maisons géantes, poussés tout autour de l'antique cité comme autant de petites villes. Il se souvenait de cette ceinture crayeuse, entourant les vieilles toitures rousses, qu'il avait vue du dôme de Saint-Pierre. Pareil de loin à des carrières abandonnées. Car ce n'était pas auprès du château seulement, c'était aussi à la porte Saint-Jean, à la porte Saint-Laurent, à la villa Ludovisi, sur les hauteurs du Viminal et de l'Esquilin, que des quartiers inachevés et vides croulaient déjà dans l'herbe des rues désertes. Cette fois, après 2000 ans de fertilité prodigieuse, il semblait que le sol fût enfin épuisé, que la pierre des monuments refusa d'y pousser encore. de même que dans de très vieux jardins fruitiers, les pruniers et les cerisiers qu'on replante s'étiolent et meurent, les murs neufs, sans doute, ne trouvaient plus à boire la vie dans cette poussière de Rome, appauvrie par la végétation séculaire d'un si grand nombre de temples, de cirques, d'arcs de triomphe, de basiliques et d'églises. Et les maisons modernes qu'on avait tenté d'y faire fructifier de nouveau, les maisons inutiles et trop vastes, toutes gonflées de l'ambition héréditaire, n'avaient pu arriver à maturité, dressant des moitiés de façades que trouaient les fenêtres béantes, sans force pour monter jusqu'à la toiture, restées là infécondes, telles que les broussailles sèches d'un terrain qui a trop produit. L'affreuse tristesse venait d'une grandeur passée, si créatrice, aboutissant à un pareil aveu d'actuelle impuissance. Rome, qui avait couvert le monde de ses monuments indestructibles et qui n'enfantait plus que des ruines. « On les finira bien un jour !» s'écria Pierre. Narcisse le regarda étonné. « Pour qui donc ?» Et c'était le mot terrible. Ces 500 000 habitants dont on avait rêvé la venue, qu'on attendait toujours. Où vivaient-ils à l'heure présente? Dans quelle campagne voisine? Dans quelle ville reculée? Si un grand enthousiasme patriotique avait pu seul espérer une telle population au premier jour de la conquête, il aurait fallu aujourd'hui un singulier aveuglement pour croire encore qu'elle viendrait jamais. L'expérience semblait faite. Rome restait stationnaire. On ne prévoyait aucune des causes qui en auraient doublé les habitants. Ni les plaisirs qu'elle offrait, ni les gains d'un commerce et d'une industrie qu'elle n'avait pas, ni l'intense vie sociale et intellectuelle dont elle ne paraissait plus capable. En tout cas, des années et des années seraient indispensables. Et alors, comment peupler les maisons finies et vides qui n'attendaient que des locataires? Pour qui terminer les maisons restées à l'état de squelette, s'émiettant au soleil et à la pluie? Elles demeureraient donc indéfiniment là, les unes décharnées, ouvertes à toutes les bises, les autres closes, muettes comme des tombes, dans la laideur lamentable de leur inutilité et de leur abandon. Quel terrible témoignage sous le ciel splendide! Les nouveaux maîtres de Rome étaient mal partis, et s'ils savaient maintenant ce qu'il aurait fallu faire, oseraient-ils jamais défaire ce qu'ils avaient fait? Puisque le milliard qui était là semblait définitivement gâché et compromis, on se mettait à souhaiter un Néron, de volonté démesurée et souveraine, prenant la torche et la pioche, et brûlant tout, rasant tout, au nom vengeur de la raison et de la beauté. « Ah ! » reprit Narcisse, « voici la contessina et le prince. » Benedetta avait fait arrêter la voiture à un carrefour des rues désertes, et par ses larges voies, si calmes, pleines d'herbes faites pour les amoureux, elle s'avançait au bras de Dario, tous les deux ravis de la promenade, ne songeant plus aux tristesses qu'ils étaient venus voir. « Oh, quel joli temps !» dit-elle gaiement en abordant les deux amis. « Voyez donc ce soleil si doux! Et c'est si bon de marcher un peu à pied, comme dans la campagne !» Dario, le premier, cessa de rire au ciel bleu, à la joie présente de promener sa cousine à son bras. « Ma chère, il faut pourtant aller visiter ces gens, puisque tu t'entêtes à ce caprice. Qui va sûrement nous gâter la belle journée ? Voyons, il faut que je me retrouve. Moi, vous savez, je ne suis pas fort pour me reconnaître dans les endroits où je n'aime pas aller. avec ça, ce quartier est imbécile. Avec ses rues mortes, ses maisons mortes, où il n'y a pas une figure dont on se souvienne, pas une boutique qui vous remette dans le bon chemin. Je crois que c'est par ici. Suivez-moi toujours, nous verrons bien. » Et les quatre promeneurs se dirigèrent vers la partie centrale du quartier, faisant face au Tibre, où un commencement de population s'était formé. Les propriétaires tiraient parti, comme ils le pouvaient, des quelques maisons terminées. Ils en louaient les logements à très bas prix, ne se fâchaient pas lorsque les loyers se faisaient attendre. Des employés nécessiteux, des ménages sans argent s'étaient donc installés là, payant à la longue, arrivant toujours à donner quelques sous. Mais le pis était qu'à la suite de la démolition de l'ancien ghetto et des percées dont on avait aéré le Transtévère, de véritables hordes de loqueteux, sans pain, sans toit, presque sans vêtements, s'étaient abattus sur les maisons inachevées, les avaient envahis de leurs souffrances et de leurs vermines. Et il avait bien fallu fermer les yeux, tolérer cette brutale prise de possession, sous peine de laisser toute cette épouvantable misère étalée en pleine voie publique. C'était à ces hôtes effrayants que venaient déchoir les grands palais rêvés. Les colossales bâtisses de 4 et 5 étages, où l'on entrait par des portes monumentales, ornées de hautes statues ou des balcons sculptés, que soutenaient des cariatides, allaient d'un bout à l'autre des façades. Les boiseries des portes et des fenêtres manquaient. Chaque famille de misérables avait fait son choix, fermant parfois les fenêtres avec des planches, bouchant les portes à l'aide de simples haillons, occupant tout un étage princier ou préférant des pièces plus étroites pour s'y entasser à son goût. Des linges affreux séchaient sur les balcons sculptés, pavoisaient de leur immonde détresse ces façades d'avortements souffletés dans leur orgueil. Une usure rapide, des souillures sans nom, dégradaient déjà les belles constructions blanches, les rayaient, les éclaboussaient de taches infâmes. Et, par les porches magnifiques, faits pour la royale sortie des équipages, c'était un ruisseau d'ignominie qui débouchait, des ordures et des fientes dont les mares stagnantes pourrissaient ensuite sur la chaussée sans trottoir. À deux reprises, Dario avait fait revenir ses compagnons sur leurs pas. Ils s'égaraient, ils s'assombrissaient de plus en plus. « J'aurais dû prendre à gauche. Mais comment voulez-vous savoir? Est-ce possible au milieu d'un monde pareil ?» Maintenant, des bandes d'enfants pouilleux se traînaient dans la poussière. Ils étaient d'une extraordinaire saleté, presque nus, la chair noire, les cheveux en broussailles, tels que des paquets de crins. Et des femmes circulaient en jupe, sordides, en camisole défaite, montrant des flancs et des seins de juments surmenés. Beaucoup, toutes droites, causaient entre elles d'une voix glapissante. D'autres, assises sur de vieilles chaises, les mains allongées sur les genoux, restaient ainsi pendant des heures sans rien faire. On rencontrait peu d'hommes. Quelques-uns, allongés à l'écart, parmi l'herbe rousse, le nez contre la terre, dormaient lourdement au soleil. Mais l'odeur, surtout, devenait nauséabonde. Une odeur de misère malpropre, le bétail humain s'abandonnant, vivant dans sa crasse. Et cela s'aggrava des émanations d'un petit marché improvisé qu'il fallut franchir. Des fruits gâtés, des légumes cuits et aigres, des fritures de la veille, à la graisse figée et rance, que de pauvres marchandes vendaient par terre au milieu de la convoitise affamée d'un troupeau d'enfants. « Enfin, je ne sais plus, ma chère !» s'écria le prince en s'adressant à sa cousine. Sois raisonnable, nous en avons assez vu, retournons à la voiture. » Réellement, il souffrait. Et selon le mot de Benedetta elle-même, il ne savait pas souffrir. Cela lui semblait monstrueux, un crime imbécile, que d'attrister sa vie par une promenade pareille. La vie était faite pour être vécue légère et aimable, sous le ciel clair. Il fallait l'égayer uniquement par des spectacles gracieux, des chants, des danses. Et dans son égoïsme naïf, il avait une véritable horreur du laid, du pauvre, du souffrant. À ce point que la vue seule lui en causait un malaise, une sorte de courbature physique et morale. Mais Benedetta, qui frémissait comme lui, voulait être brave devant Pierre. Elle le regarda, elle le vit si intéressé, si passionnément pitoyable, qu'elle ne céda pas dans son effort à sympathiser avec les humbles et les malheureux. « Non, non, il faut rester, mon Dario. Ces messieurs veulent tout voir, n'est-ce pas ?»« Oh !» dit Pierre, « la Rome actuelle est ici. Cela en dit plus long que toutes les promenades classiques à travers les ruines et les monuments. »« Mon cher, vous exagérez !» déclara Narcisse à son tour. « Seulement, j'accorde que cela est intéressant, très intéressant. » Les vieilles femmes, surtout. Ah ! Extraordinaires d'expression, les vieilles femmes !»